Dans un effort pour nier la papauté, l'école protestante enseigne que Pierre n'est jamais allé à Rome. Alors, si Pierre n'est jamais allé à Rome, la papauté n'est qu'une invention. Voilà leur argument. On dit qu'il n'y a aucune preuve biblique que Pierre n'y ait jamais mis les pieds. Je vais vous prouver le contraire, frères et sœurs. La Bible dit, et plusieurs documents historiques, et même des théologiens protestants, l'avouent eux-mêmes également. En Actes 12:7, il est écrit, « Pierre leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de sa prison, et il dit, « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Pour aller où? Plus que probablement à Antioche, qui était une ville refuge pour les chrétiens persécutés. Galates 2:11 nous confirme son passage. Pierre est allé là-bas, vraisemblablement, pour y trouver asile et en même temps pour fortifier cette église, comme il le faisait dans toutes les autres églises. Je cite ici l'historien Daniel Rops dans son excellent manuel « L'Église des apôtres et des martyrs ». Bien loin de ralentir l'expansion de l'Église, la persécution d'Hérode l'aida. Elle poussa davantage de chrétiens à quitter la ville sainte et aller chercher refuge en d'autres lieux. L'une de ces communautés chrétiennes de l'extérieur va recueillir bon nombre de fugitifs et prendre une situation primordiale. Antioche, vers laquelle la tradition pense que Pierre lui-même se dirigea, ville grecque, universaliste par nature, devait relayer Jérusalem comme la capitale de la foi. Fin de citation. Voilà le témoignage historique. Antioche comptait à l'époque 250 000 hommes. Antioche était alors une des premières villes de l'Empire, la troisième ou la quatrième en importance. Les séjours que Pierre fit à Antioche sont certains. Daniel Rops écrit de nouveau, « Après la destruction de Jérusalem en Palestine en 70, la terre natale de la foi, le christianisme n'a plus aucun rayonnement. La ville reconstituée sur les ruines de Jérusalem possède encore une communauté de fidèles, mais ce sont les cités grecques de la côte qui groupent le plus de croyants. Antioche a pris la relève et continué à jouer le rôle de métropole chrétienne. » Fin de citation. Au lendemain de la persécution de Jérusalem, il y eut Antioche et puis Rome. Telles auraient été les trois étapes par lesquelles le christianisme serait passé de la petite communauté close de la ville sainte à l'universalisme, selon qu'il est écrit, « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. » Les deux quoi? Les deux peuples, les deux bergeries, c'est-à-dire les Juifs et les nations du monde. Pierre était bel et bien à Rome quand, en 64, il écrit sa première épître de Babylone, dit-il, en 1 Pierre 5:13. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue. La présence de Pierre à Rome se confirme dans sa première lettre, où le mot « code Babylone » est utilisé pour désigner Rome de la même manière que dans le livre de la Révélation. Pierre écrit cette lettre au lendemain de l'incendie de Rome par Néron, à cause des persécutions qui avaient été déclenchées. Babylone était alors le sens symbolique qui signifiait « la ville de Rome ». L'apôtre Jean, dans son Apocalypse, emploie le même terme pour désigner Rome. Voilà pour la preuve biblique. Il y a ensuite le témoignage de Clément de Rome, dans son Épître aux Corinthiens, en 95. Il joint la mort de Paul à celle de Pierre. Si Pierre et Paul ont subi le martyr à Rome, c'est la preuve qu'il y était depuis un bon moment. Ensuite, il y a le témoignage de Polycarpe, le disciple de l'apôtre Jean. Il atteste lui aussi la double autorité de Pierre et de Paul, qui, de leur vivant, se trouvent à l'église de Rome. Ensuite, il y a le témoignage de Polycarpe, le disciple de l'apôtre Jean. Il atteste lui aussi la double autorité de Pierre et de Paul, qui, de leur vivant, se trouvent à l'église de Rome. En 107, dans son Épître aux Romains, en allant subir le martyre à Rome, il dit de ne pas demander sa grâce à l'empereur. Ignace s'excuse d'écrire aux Romains sans avoir sur eux l'autorité de Pierre et de Paul. Il écrit « Toutefois, ce n'est qu'une prière que je vous adresse, je ne vous commande pas comme Pierre et Paul. » Fin de citation. De telles phrases n'ont de sens que si Pierre a été à Rome et leur a servi de conducteur spirituel. Dans le courant du IIe siècle, les témoignages deviennent très catégoriques. Irénée de Lyon, disciple de Polycarpe, affirme à deux reprises que Pierre et Paul ont fondé l'Église romaine. Irénée écrit « Matthieu écrivit son évangile pendant que Pierre et Paul prêchaient le Christ à Rome et qu'ils jetaient les fondements de l'Église. » Denis de Corinthe affirme lui aussi vers l'an 170 que Rome et Corinthe doivent leur foi à Pierre et à Paul. Fin de citation. Clément d'Alexandrie maintenant, qui a vécu de 150 à 215, parle lui aussi, et je cite, « de l'évangile prêché à Rome par Pierre et transcrit par Marc ». Papias, vers l'an 130, affirme que Matthieu mit en ordre les dires du Seigneur en araméen, et saint Irénée, un peu plus tard, précise que Matthieu mit par écrit l'Évangile chez les Palestiniens dans leur propre langue pendant que Pierre et Paul prêchaient à Rome et fondaient l'Église romaine. Daniel Rops écrit « Les deux textes les plus anciens qu'on connaisse sont le fameux commentaire des sentences du Seigneur, où Papias, le vieil évêque d'Hierapolis, qui avait connu les disciples directs des apôtres, assure que Marc résuma dans son évangile les prédications de Pierre en la ville de Rome. Il y a aussi la lettre de saint Clément, pape et martyr, troisième successeur de Pierre, et qui, s'adressant aux Corinthiens vers 95, parle nettement du martyr à Rome de Pierre et de Paul. D'autre part, des fouilles archéologiques ont prouvé qu'au cours du IIIe siècle, les chrétiens des catacombes vénéraient la mémoire des deux apôtres. La question paraît donc tranchée quant au fait même du séjour de Pierre à Rome. Eusèbe place l'arrivée de Pierre à Rome en 42 et son martyre en 67. Fin de citation. Il y a aussi le témoignage d'Épiphane de Salamine, qui a vécu vers 315 à 403. Il écrit au sujet des premiers successeurs sur le siège de Rome, je cite, « car les évêques de Rome étaient d'abord Pierre et Paul, puis Linus, puis Anaclet, ensuite Clément. » Fin de citation. Le document Liber Pontificalis est un catalogue des évêques de Rome, dès lors toutes les preuves de la papauté. Ce document renseigne que Pierre fonda l'église de Rome dont il fut le premier évêque et où il mourut martyr. Pierre établit donc à Rome le siège de sa primauté. Il s'y donne un successeur, suivi de tant d'autres, sans interruption. Et cinq pères des premiers siècles ont dressé un catalogue des évêques de Rome dont l'exactitude généalogique n'a pu être contestée. Je parle ici d'Irénée, de Tertullien, de saint Épiphane, de saint Opta et de saint Augustin. Cette dynastie de primats a donc été universellement reconnue. Si l'on se réfère aux travaux de l'historien protestant Litzmann en 1927, la conclusion s'impose que vers la fin du IIe siècle, le fait était déjà fermement établi du séjour dans la ville éternelle du prince des apôtres. Tous les documents littéraires concordent. Un texte de Gaius, qu'il écrit vers l'an 200, qui a été cité par Eusèbe. Le fameux catalogue libérien, établi vers 235, donne la liste des évêques de Rome et qui sera poursuivi jusqu'au IVe siècle. Les lettres de saint Irénée, évêque de Lyon, vers 180, et de l'évêque Denis de Corinthe à la même époque. Saint Jérôme, au IVe siècle, dit que Sénèque s'éteignit en 65, 2 ans avant les apôtres Pierre et Paul. Alors on fixe généralement la date de leur mise à mort à l'an 67. Pierre subit son martyre à l'emplacement de la colline du Vatican, mentionnée sous la République romaine. Selon le témoignage d'origine, Pierre fut crucifié la tête en bas. Après sa mise au tombeau, on a disposé près de lui les corps de ses successeurs, de Linus jusqu'à Saint-Victor, décédé en 202. Quant à cette communauté chrétienne romaine, ce ne sont pas seulement les plus hautes traditions catholiques, ce sont aussi des libéraux comme Arnac, des protestants comme Litzmann, qui affirment que, et je cite, « L'homme qui a contribué à cette fondation imminente entre toutes, bien avant que Paul débarquât à Poulouse, ce n'est autre que celui-là même à qui Jésus avait confié le soin de diriger son Église, le prince des apôtres, Saint-Pierre le vieux roc. Fin de citation. Alors vous voyez, même les historiens protestants honnêtes et instruits avouent et confirment la présence et le ministère de Pierre à Rome. À Rome, sans doute, tandis que Pierre prêchait surtout dans les communautés juives, Paul travailla dans les milieux païens. Soldats, gardiens, courtisans même, leur action dut être parallèle et complémentaire. Il avait raison, ce graveur de médailles du IIe siècle, dont on a trouvé l'œuvre aux catacombes, montrant face à face le prince des apôtres et l'apôtre des gentils. Il unissait dans le bronze ces deux hommes qu'une même foi et un même destin avaient unis. Des documents confirment qu'au temps de Constantin, l'on transporta les deux précieux corps de Pierre et de Paul en 258 aux catacombes de la Via Appienne. De nombreux documents archéologiques ont été trouvés à côté de la Via Appienne, une inscription du pape Damase, datant de la fin du IVe siècle, dit que le corps de Pierre et de Paul ont été déposés là. Encore une preuve historique, Pie XII, au milieu du XXe siècle, fait faire des fouilles sous le Vatican et on trouve la tombe de Pierre et plusieurs inscriptions qui le confirment. Eusèbe de Césarée, historien de l'Église et auteur de la chronique ecclésiastique, il écrit « Suite à l'incendie de Rome, Néron fit déclencher des arrestations contre les chrétiens. Pierre calcula qu'il valait mieux rester vivant pour pouvoir conduire l'Église que de mourir. Il se déguisa en mendiant et descendit par la Via Appienne pour sortir de Rome. Il marchait quand il rencontra un homme qu'il reconnut pour le Christ. Pierre lui dit « Où vas-tu, Seigneur ?» Il dit « Je vais à Rome mourir avec mes frères. » Honteux et contrit, il revint vers son troupeau. Fin de citation. Origène affirme qu'il fut crucifié à Rome la tête en bas également. Au début du IIIe siècle, il écrit aux montanistes « Je puis vous montrer les documents des apôtres que vous veniez au Vatican ou sur la Via d'Ostie, vous aurez sous les yeux les monuments des fondateurs de notre Église. » Fin de citation. Alors même l'archéologie révèle la présence de Pierre à Rome. Cyprien, évêque de Carthage au IIIe siècle, parle du siège de Pierre à Rome également. Irénée de Lyon a écrit au sujet de Clément de Rome, le troisième successeur de Pierre. Clément avait vu les apôtres et leurs prédications résonnaient encore à ses oreilles. Fin de citation. Alors, mes amis, toutes les preuves historiques sont devant vos yeux. Les documents anciens des tout premiers siècles les confirment tous. Pierre a été à Rome. Il y a exercé un long ministère et il a nommé un successeur, Linus, et Linus en a nommé un autre après lui, etc. Tous les pères de l'Église, c'est-à-dire les premières générations qui ont suivi celles des apôtres, ont tous rendu le témoignage unanime de la présence de Pierre à Rome comme patriarche et évêque en chef. Le protestant dit « Oui, mais c'est écrit où dans la Bible ? » Eh bien, justement, quand je vous dis que la Bible ne dit pas tout sur tout, vous en êtes tous scandalisés, mais c'est pour ça que vous ne comprenez rien non plus. Après que le Nouveau Testament fut écrit, la terre ne s'est pas arrêtée de tourner, mes amis. Les choses ne se sont pas figées dans le temps non plus, et l'Église n'a pas arrêté de se développer non plus. Le Nouveau Testament couvre environ seulement les 30 premières années de l'histoire de l'Église. La dernière ligne du livre des Actes des apôtres a été écrite en 64. Croyez-vous vraiment que tout ce que les apôtres ont fait ensuite, c'est de la gnognotte et que ça ne mérite même pas notre attention? C'est écrit où dans la Bible que tout ce qui n'a pas été écrit dans la Bible, c'est de la merde? C'est écrit où dans la Bible qu'on ne doit pas ajouter foi à tout ce que l'Église a fait après l'an 64? Vous croyez qu'après l'an 164, toutes les données historiques sont fausses et même qu'elles sont du diable? Mais ça n'a aucun sens, mes amis. Il y en a beaucoup chez les protestants qui croient cela. Il y a une semaine ou deux, l'un d'entre eux me dit qu'à la mort des apôtres, le diable s'est emparé de l'Église et en a fait une source de ténèbres pour toute la terre. Bon sang! Mais soyons sérieux, les amis. Qui êtes-vous pour renier ainsi toute l'histoire de l'Église? C'est pour vous qu'il est écrit, « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, et marchant selon leur propre convoitise, ils disent, depuis que les pères sont morts, c'est-à-dire les apôtres, tout demeure dès que le commencement de la création. » 2 Pierre 3, 3, 4. Allez relire ça. Pierre prophétise qu'à la fin des temps, il s'élèvera une secte anarchique qui dira que depuis que les apôtres sont morts, chacun peut croire tout ce qui lui plaît. Et ça, mes amis, c'est exactement l'enseignement du protestantisme de la Réforme, qu'on appelle la sola scriptura, où chacun peut interpréter la Bible selon sa connaissance et selon son sentiment, et de rejeter tout le reste, et que tout ce qui n'a pas été écrit dans la Bible est à rejeter. Nous savons que l'Apocalypse de Jean, son Évangile, ainsi que ses trois épîtres, ont été écrits entre 90 et 93 après Jésus-Christ. Est-ce que ça veut dire que tout ce qui s'est passé entre 64 et 93 était du diable, comme vous dites, ou est à rejeter parce que la Bible ne couvre pas cette période? Soyons sérieux. Et puis après 93, est-ce que l'Église n'a plus rien fait de bien? L'Église est-elle glissée mystérieusement des mains de Dieu entre les mains du diable? Et ce sont les bêtises que l'on enseigne aux petits pasteurs dans les écoles bibliques et qu'ils transmettent ensuite à leurs ouailles. Mais soyons sérieux! Les choses de Dieu sont sérieuses! On ne peut pas enseigner n'importe quoi! Jésus a dit de sa future Église en Jean 10, 27 et 30. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Si tout ce qui n'est pas dans la Bible est du diable, alors l'Église elle-même est devenue l'Église du diable après l'an 64. Car c'est en cette année que se termine le récit de l'Église dans les Actes des Apôtres. Ce qui serait pas mal illogique, vous trouvez pas? Jésus n'a pas créé son Église pour qu'elle dure seulement une génération après sa mort. Est-ce que toutes les décisions de l'Église ont été du diable après cette date? Si oui, prouvez-le ou taisez-vous avec toutes ces bêtises une fois pour toutes. Alors que Pierre ait été faire du ministère à Rome, la chose est confirmée par l'archéologie, par tous les documents des pères de l'Église des premiers siècles et par la Bible. Alors que le seul argument que les protestants proposent, c'est que Paul, à la fin de son épître aux Romains, salue tout le monde de ses connaissances et ne salue pas Pierre. Donc, disent-ils, Pierre ne se trouvait pas à Rome, sinon il l'aurait salué. C'est le seul et unique argument qu'avance l'Église protestante. Mais la chose s'explique facilement. L'Épître aux Galates, où Paul traite Pierre d'hypocrite, a été rédigée en l'an 51 environ, et l'Épître aux Romains l'a été en 57. On pense que Paul avait encore sa crotte sur le cœur à l'égard de Pierre, et que c'est exprès qu'il ne l'a pas salué, parce que selon lui, il n'apportait pas la même doctrine et le bon évangile. On se rappelle que quand Paul est monté à Jérusalem la première fois, il s'attendait à ce que les apôtres déroulent le grand tapis rouge devant ce grand apôtre Paul, hein? Mais quand il a vu que Pierre le traitait avec ni plus ni moins d'honneur que les autres, son orgueil en a été profondément blessé. On sait, on le voit partout dans ses lettres, que Paul aimait la reconnaissance, qu'il voulait être reconnu par tout le monde. On le voit assez clairement quand il reprend sa revanche sur Pierre quand il est venu dans son église, à Antioche. Alors ça explique très bien pourquoi Paul ne l'a pas salué dans son épître. Dans sa lettre aux Romains, Paul s'adresse aux croyants de cette église. Il ne s'adresse à aucune des autorités. Ce qui est un peu étrange, on a l'impression qu'il veut passer par-dessus la tête des autorités qu'il y a là. Alors faites attention quand vous lisez les deux premiers chapitres de Galates. Ayez tout ça en mémoire, sinon vous allez tirer de fausses conclusions de cette histoire-là. La conclusion est bien que Pierre ait séjourné à Rome et y a exercé un ministère de conducteur. Voici ce que conclut l'historien ecclésiastique Dom Charles Poulet. Aussi n'y a-t-il plus aucun savant qui ose nier le fait. Même l'historien protestant Adolphe Arnac, et docteur en théologie, écrit tout l'appareil critique avec laquelle Bauer a combattu l'ancienne tradition est aujourd'hui tenu pour nul. » Fin de citation. Le baron de Stark, malgré ses préventions de protestant, affirme et avoue, je cite, « La primauté de Pierre à Rome a le témoignage de toute l'Antiquité. » Fin de citation. Barzagne, un autre historien en théologie, protestante, ajoute « Aucune tradition n'a plus de preuves en sa faveur. Personne convient également que nul des anciens n'a révoqué ou mis en doute la fondation de l'Église de Rome par Pierre, ni la succession des papes à son héritage. Enfin, il y a Pufendorf et Grotius qui parlent hautement de la primauté de l'Église romaine et de sa légitime hiérarchie. » Fin de citation. Ces théologiens protestants admettent eux-mêmes que le protestantisme est dans l'erreur d'attaquer cette vérité. L'historien Daniel Rops écrit encore « Que le prince des apôtres soit venu à Rome, qu'il soit même arrivé d'assez bonne heure, la chose est certaine. Qu'il y ait fait un très long séjour d'environ 25 ans, coupé par quelques absences, notamment des voyages à Jérusalem, il est certain aussi. De même que son martyre dans la ville, qu'il consacra par son sang, ne fait historiquement plus de doute. » Fin de citation. Amen.